my Valentine. Can I hit the making with temperature day? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive, I'll be honest. Loving the thought of me, I am so obsessed. I want to chop your own cup. I need it back and it's real. But now make us feel. You're my love, one thing, thing. Me make a bad man sing. À mes côtés, tout va bien, tout va bene. Nous deux, on est tellement élégants, ouh bébé. On a style qui blesse, ils nous fixent, ils sont gênés. C'est juste nous contre tous ces gens. Devant nous, ils resteront bouche bée. J'ai fait le tour, j'ai pas vu plus belle que toi. Le temps, c'est de l'argent et tu sais, tu fais partie de ma richesse. Si tu te sens en danger, tiens mon dos pour te protéger. Je veux pas te mélanger, je veux pas te partager ensemble toute la noche. Toute ta vie, je vais changer. Baby girl, bless it, bless it, bless it, no.